Elle avait un petit brin de paille coincé dans ses cheveux en bataille. Alors je l'ai prise par la taille, s'est avancée en rajustant son chandail. Sur sa peau je lisais comme en braille, mes doigts cherchaient les moindres détails. Elle était plus douce que les mailles, je venais de faire une belle trouvaille. L'amour est enfant de bohème, il me porte et dicte sa loi. Si tu m'aimes comme je t'aime, peu importe, prends garde à toi. Quand du regard elle me mitraille, immédiatement le désir m'assaille. Sa bouche de mes baisers je ravitaille, et au creux de ses bras je défaille. Et quand tout son corps je détaille, ma raison subitement déraille. Une question récurrente me tiraille, à quand nos prochaines retrouvailles. L'amour est enfant de bohème, il me porte et dicte sa loi. Si tu m'aimes comme je t'aime, peu importe, prends garde à toi. L'amour est enfant de bohème, l'amour est enfant de salaud. Si elle savait comme je l'aime, elle se jetterait à l'eau.